Les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Besoin de célébrer? Allumez Télé-Québec. Avec les bombes, 10 ans, ça se fête en grand. Avec Marie-Mé, Bernard Adamus, Penelope McQuaid, Peter et Mélanie Renaud. La télé s'allume avec Belle et Bombe ce soir, 21h. Télé-Québec, l'autre télé. Sur mon île, ça a été une chanson que j'avais besoin d'écrire à un moment dans ma vie où est-ce que c'est ça, j'étais beaucoup dans l'attente, beaucoup dans la solitude. C'est un sentiment qui m'habite parfois et avec lequel j'ai un peu de difficulté à dealer. Les murs blancs du Nord de Catherine Durand à Sentier Secret, mardi 25 septembre à 10h. Quand je me sens vulnérable, c'est dans ces moments-là que j'ai besoin d'écrire. Là, sur mon île, je t'attends. C'est KRL 89.1, Québec. Aujourd'hui, au Grain de Sable, nous aurons deux entrevues. D'abord avec l'économiste Yannick Marcil, en lien avec les résultats de la dernière élection, en première partie d'émission. Ensuite, avec le président du Conseil scientifique d'Attaque France, Dominique Plion, en seconde partie d'émission. Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous parle et qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons deux entrevues préenregistrées fort intéressantes à vous présenter. La première avec l'économiste Yannick Marcil qui devrait être en direct, mais qui a eu un empêchement de dernière minute. Mais qu'à cela ne tienne, Michel Monette nous a réalisé cette entrevue hier soir. Alors, puis la seconde avec le président du Conseil scientifique d'Attaque France, Dominique Plion. Alors, nous l'avons rejoint à la fin août, alors qu'il était au Québec dans le cadre de l'Université d'été des nouveaux cahiers du socialisme. Alors, tout ceci après avoir écouté sur les ondes de CKRL, Je suis Gabo dans la chanson La montre bracelet. À tout de suite. Je suis Gabo Omicron. Voilà, c'était donc La Montre Bracelet par Je suis Gabo. Cette chanson fait partie de la compilation Je rappe tout seul quand j'en arrache. Alors, nous allons mettre ce lien vers cette compilation sur notre blog. Je répète, legraindesableqc.org. Bonjour Michel. Bonjour Valérie. Ça va bien? Ça va bien, merci. Surtout en ce samedi magnifique. Et oui, un beau 22 septembre, oui, comme on l'aime. Oui. Et tu nous as concocté, je dirais ça comme ça, une entrevue avec l'économiste Yannick Marcille. Oui, tout à fait. Comme tu l'as expliqué tantôt, Valérie, je l'ai joint hier soir parce qu'il y a eu un empêchement de dernière minute pour le direct aujourd'hui. Nous avons abordé un sujet qui le préoccupe particulièrement et qui intéresserait beaucoup nos auditeurs. À quoi doit-on s'attendre à court et à moyen terme à la suite du résultat électoral du 4 septembre dernier? Yannick Marcille est économiste. Vous vous rappelez, on l'avait reçu l'an passé. Il est économiste, mais il produit régulièrement des analyses qui vont au-delà des préoccupations économiques, quoique nous avons aussi, évidemment, évoqué la dimension économique de la nouvelle donne politique au Québec. Alors, ça risque d'être fort intéressant, Michel. Alors, on l'écoute. Alors, bonjour Yannick Marcille. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour aider nos auditeurs à comprendre la situation politique nouvelle au Québec à court, moyen, voire même à plus long terme. Surtout en ce début officiel d'automne, on a plutôt eu l'impression d'une sorte de printemps cette semaine avec toutes les annonces du nouveau gouvernement. En fait, on va parler de ce qui nous attend avec ce gouvernement minoritaire, justement, mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la dernière campagne électorale. Pourquoi, selon vous, est-ce si difficile de débattre de questions de fond en campagne électorale? Parce que vraiment, on avait l'impression de faire du surfing, si vous me permettez l'expression anglaise. Comme nos auditeurs ont pu s'en rendre compte, Valérie, il y a des petits problèmes techniques. On va tenter de régler ça le plus rapidement possible. En attendant, on va mettre un peu de musique. On va réécouter « Je suis Gabo », si ça vous va. Oui, alors on l'écoute à l'instant et on revient tout de suite avec l'entrevue réalisée avec Yannick Marcille dans quelques instants. En gardant une petite montre-bracelet, pas plus grand que l'ombre de pouce. Vous ne croirez pas, mais embarré. M disait le petit raisin qui se démène dans mon boîtier. Gros comme rien, mesure le bonheur et les peines des riches, des pauvres et des vaudriers. Mon petit état gruge, miette par miette, la vie des papes comme celle des rois. Celle des savants, celle des vedettes et celle des pauvres que comme toi. T'as beau vouloir que ta joie dure, mais tes malheurs passent à grands pas. Tu vois que ça change pas mon allure, pas riche en chiant, ça me dérange pas. Ça donne pas de frisson quand tu penses que mes aiguilles fines comme un cheveu marchent chaque minute que tu dépenses, puis chaque minuit. Tu meurs un peu, et à travers de toute ta page, la vie. Alors, bonjour Yannick Marcille. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour aider nos auditeurs à comprendre la situation politique nouvelle au Québec, à court, moyen, voire même à plus long terme. Surtout en ce début officiel d'automne, on a plutôt eu l'impression d'une sorte de printemps cette semaine avec toutes les annonces du nouveau gouvernement. En fait, on va parler de ce qui nous attend avec ce gouvernement minoritaire, justement. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la dernière campagne électorale. Pourquoi, selon vous, est-ce si difficile de débattre de questions de fond en campagne électorale? Parce que vraiment, on avait l'impression de faire du surfing, si vous me permettez l'expression anglaise. Oui, effectivement, c'est une vaste question là. Il y a beaucoup d'éléments de réponse, j'imagine. Je crois que pas essentiellement, mais en tout cas, il y a une explication qui est assez importante dans ça. C'est qu'on vogue au Québec comme à peu près partout en Occident sur une espèce de logique managériale de la gestion de l'État. Hein. Ce dont on a entendu parler en campagne électorale, c'est essentiellement des débats entre des chefs et des candidats qui voulaient démontrer qu'ils étaient les meilleurs gestionnaires de l'État. Donc, quand on parle de gestion, mais veut pas, on parle de problématiques de court terme, on parle de détails, on parle de un peu de choucroute, là, si vous me permettez l'expression, oui, donc, oui. Du quotidien. Et c'est difficile de s'élever dans le débat pour présenter ou proposer des visions plus long terme et plus globales. Donc, je pense qu'on est un peu coincé dans cette espèce de logique de gestion de l'État qui nous empêche d'avoir une vision un peu plus vaste. Là. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des médias aussi dans ce phénomène? Je pense que l'un nourrit l'autre. Hein. Je veux dire, les médias se nourrissent de ce que les candidats leur proposent. Eux-mêmes sont dans cette logique-là. Je ne sais pas. C'est pas une question de responsabilité individuelle d'un groupe ou non. Je pense que c'est dans l'air du temps. Cette notion de managérialite, si je peux réinventer ce terme, elle envahit toutes les sphères de la vie. Hein. Je veux dire, on gère les universités, on gère les hôpitaux, donc la maladie, voire même nos vies personnelles, nos relations humaines, sous une optique de coût-bénéfice. Donc, c'est une espèce d'air du temps, d'idéologie dominante qui se distille dans l'ensemble des activités, qui fait en sorte qu'on est un peu tous coincés dans ce discours-là, qui est très difficile d'en sortir. Oui, tout à fait. Au moins, en tout cas, on ne parle plus de réingénierie de l'État. C'est au moins ça de gagné. On change de vocabulaire. Voilà. Si on en venait maintenant à un autre article que vous avez publié, qui a été publié dans le magazine les INROC. C'est l'article s'intitulait « Québec après les élections, tu paries au même ». Ça a été publié le 6 septembre. Là, c'est intéressant. On a un peu plus de recul. Là. On a vu un peu la composition du cabinet et tout ça. On a eu toutes sortes d'analyses aussi. Vous y écriviez quand même que la diffusion du vote le 4 septembre aura des conséquences importantes à court et à moyen terme sur l'évolution de la vie politique québécoise. Commençons par le court terme. Vous anticipez une situation paradoxale au-delà de la prétendue division de l'électorat. Expliquez-nous ce que vous entendez par là. C'est-à-dire que d'un côté, on a effectivement, a priori, une division du vote importante. Hein? 90% ou à peu près des électeurs ont voté soit pour le PQ, le PLQ ou la CAQ. On ne peut pas être plus divisé, effectivement. Oui, exactement. Là où je vois un paradoxe, c'est que, étant donné cette situation, donc si on se limite uniquement à la campagne électorale, donc on anticipait cette division du vote entre les trois partis, chacun des partis a joué le plus au centre possible pour être capable d'aller chercher un électorat le plus vaste possible. Donc on a à la fois une division du vote, mais une concentration de ce vote-là autour d'enjeux ou de visions du monde et de la chose politique qui sont pas si éloignées l'une de l'autre. Donc, qu'est-ce qui va se passer, selon moi, à court terme? Ben, chacun des partis, sachant qu'on a un gouvernement minoritaire, donc des élections qui seront sans doute anticipées, chacun des partis va vouloir se distinguer l'un de l'autre, mais demeurer dans cette logique centriste pour ratisser le plus large possible dans l'électorat. Donc, c'est un peu la quadrature du cercle, en quelque sorte, pour les partis, de se distinguer tout en n'étant pas trop polarisé dans l'électorat pour gagner le maximum de votes. Donc, je pense qu'à court terme, depuis effectivement que j'ai écrit cet article-là au lendemain des élections, le gouvernement marois a été nommé officiellement. Les premières décisions de la première ministre il y a quelques jours C'était assez drastique. Frappantes. Oui, c'est ça. Oui. Donc, on voulait marquer le ton, je pense, comme gouvernement minoritaire et montrer qu'on était très solide malgré cette minorité. Néanmoins, je crois que à court terme, on va voguer un peu dans ces dans ces débats, quand je reviens à la première, au premier sujet dont on parlait, dans ces débats autour de la gestion efficace, dossier par dossier, on l'a vu aussi dans les premiers jours, tout de suite, l'industrie du gaz de schiste avec Monsieur Bouchard en tête, qui attaque déjà le gouvernement sur ses positions. Donc, ça risque d'être des guerres de tranchées assez, assez ardues, là, au cours des prochains mois, d'après moi. Oui, le fait que le Parti libéral n'ait pas de chef, ça va donner quand même un certain répit, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, il va y avoir quand même une certaine possibilité de jouer sur le fait que les libéraux ne voudront peut-être pas à court terme, en tout cas, des élections. Sans aucun doute. Ben, d'une part, ça va je pense que les libéraux ont le beau jeu dans tout ça. Hein? C'est-à-dire que ils vont vouloir que la CAQ prenne un peu les devants. Comme c'est une équipe très inexpérimentée à la fois chez les élus, mais comme organisation, là, du jour au lendemain, on se retrouve quand même avec une grosse équipe à l'Assemblée nationale. Oui. Ils risquent de faire quelques gaffes, un peu comme l'a vécu en 2007, lorsqu'ils avaient remporté 41 sièges. Donc, ça va permettre aux libéraux de dire, ben voyez, la CAQ, là, c'est pas très sérieux, s'ils font plusieurs gaffes, c'est un pari qu'ils pourraient faire. D'autre part, c'est aussi eux qui ont le beau jeu parce que, justement, une course à la chefferie, c'est la meilleure méthode pour se refaire une jeunesse. Hein, là, on va éliminer Omar, on va avoir un nouveau chef, on va pouvoir faire beaucoup de pubs, beaucoup de marketing autour de cet événement-là. Donc, je pense que les libéraux, à tout prendre, sont vraiment pas en mauvaise position, alors que finalement, le PQ, au pouvoir minoritaire, lui, va voguer vraiment dans des eaux troubles là, pour pouvoir gagner des points et conserver son influence pendant en vue d'une prochaine élection. Oui, sauf la commission Charbonneau qui pourrait peut-être brasser un peu les cartes. Hein. Effectivement, on va voir ça. Mais je voudrais en venir à quelque chose que vous avez écrit dans votre article aussi. Vous avez écrit que le constat le plus frappant qu'on puisse faire de ces élections est que le printemps érable n'a pas trouvé écho dans les urnes. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce que ça implique aussi, ce fait-là, que ça n'ait pas trouvé vraiment écho dans les urnes? Effectivement, les seuls députés qui auraient pu représenter le printemps érable, ce sont les députés de Québec solidaire. Ils sont deux seulement de l'Assemblée nationale. Oui. Ben, c'est lié à, d'une part, évidemment, à notre système électoral uninominal à un tour qui empêche les partis marginaux qui d'émerger facilement. Cela étant dit, malgré tout, l'expression du vote populaire n'a pas été très très élevée pour Québec solidaire, ni Option nationale, ni encore moins le Parti vert. Ouais. Je pense que ça s'explique encore une fois par cette ère du temps gestionnaire qui est très lourd sur les épaules de l'électeur et qui se dit, est-ce que je prends vraiment la chance, malgré mes frustrations, de donner, par exemple, mon vote à Québec solidaire? Il y a tout l'aspect du vote stratégique, mais d'après moi, les gens se sont dit, bon, on va essayer avec le PQ en partie, peut-être avec la CAQ en partie, voir si ça va changer les choses. Mais manifestement, les manifestations où il y avait 100 000, 200 000, voire 300 000 personnes dans les rues de Montréal et un peu partout au Québec n'ont pas trouvé écho dans les urnes, et je pense que c'est pas là où ça va changer. C'est quelque chose qui est à beaucoup plus long terme qui va permettre le changement et non pas dans une élection. Mais on a au moins eu une augmentation du taux de vote. Ce n'est pas suffisant encore, mais c'est déjà encourageant. C'est déjà ça. C'est déjà et ça. Si les jeunes se sont politisés pendant à l'occasion du printemps érable, peut-être que ça peut nous donner la possibilité qu'à l'avenir, à mesure que ces générations-là vont monter, qu'on ait des citoyens plus engagés. Exactement. Souhaitons-le, voilà. J'offre une petite parenthèse avant la dernière question. J'aimerais quand même qu'on aborde, vous êtes économiste, j'aimerais quand même qu'on aborde la dimension économique des conséquences que vous anticipez. Vous ne semblez pas très inquiet pour les prochains mois. Non, je pense qu'à court terme, on est... Nos économies, donc celles du Québec, du Canada et de l'Occident même en général, on est dans une situation qui est vraiment pas joyeuse. Là, on s'entend, la zone euro est officiellement en récession depuis quelques jours. En même temps, je pense qu'on est dans une période de continuité de cette stagnation-là. Donc, je crois pas que ça ira à court terme particulièrement plus mal ou mieux non plus. Et d'autre part, je ne crois pas que l'élection d'un gouvernement minoritaire péquiste change grand-chose. Ça demeure, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, ça demeure un gouvernement qui a présenté des positions relativement centristes. ça n'a pas effrayé les marchés financiers. Au contraire, les taux d'emprunt ont diminué le lendemain des élections. Je ne crois pas non plus que à court terme, c'est-à-dire sur un horizon de 12 à 18 mois, les actions, les décisions du Parti québécois puissent influer de façon majeure, ben, par définition, en quelque sorte, là, le cours de l'économie québécoise. Donc, moi, je vois pas de gros, gros changements à court terme, là, de turbulences très importantes. Mais en terminant, vous anticipez une possibilité de changement profond dans la société québécoise à moyen et à long terme. Quels seraient ces changements? Ben, le mot sur lequel j'aimerais insister, c'est une possibilité. Oui, oui, possibilité, effectivement. Oui, on fait un peu de prospective ici. Oui, oui, c'est ça. Je ne le prévois pas loin de là. Je serais bien malin de le prévoir. Mais je pense qu'il y a plusieurs signes qui ont émergé depuis le début du printemps, donc à partir de la grève étudiante, mais après celle-ci, lorsque le mouvement social s'est un peu dissipé dans l'ensemble, dans une partie de la population, à tout le moins, où on a vu des nouvelles politisations. Là, on s'est rendu compte que les jeunes étaient politisés beaucoup plus qu'on ne le croyait, qu'il y a un paquet de gens de groupes sociaux, de sous-groupes sociaux qui n'avaient jamais pris la parole, qui ont envie de prendre la parole. Il y a encore des assemblées populaires un peu partout sur le territoire québécois qui se poursuivent. Donc, il y a plusieurs indicateurs. Ce sont ce qu'on appelle des signaux faibles. On s'entend que ce n'est pas des tendances énormes. Ce n'est pas la majorité de la population. Ce n'est pas une révolution ni un raz-de-marée. Mais je pense qu'il y a plusieurs signaux faibles qui nous disent qu'on peut espérer qu'à long terme, cette espèce d'exaspération devant la stagnation du revenu de la majorité de la population, devant les inégalités croissantes, devant, en quelque sorte, le saccage de nos ressources, tant naturelles que culturelles, même j'allais dire, donc un développement économique qui est peu harmonieux, etc. Ce genre de problèmes-là, ils émergent de plus en plus de façon intelligente dans le discours populaire, et je crois qu'on va sonner le glas à un certain moment donné, enfin je l'espère, qu'on va sonner le glas de ces problèmes-là, et que la population va finalement prendre les choses un peu plus en main, et peut-être pas d'ailleurs attendre le politique, mais s'investir dans la vie, dans les communautés, dans la vie publique de façon nouvelle et un peu plus en profondeur, en quelque sorte. Je crois qu'on a... On a ce qu'il faut pour le faire. Oui, parce qu'on a... par contre, on a des structures qui ne favorisent pas nécessairement la participation citoyenne, mais c'est peut-être ça qui pourrait permettre finalement d'aller chercher justement toutes ces possibilités. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu paradoxal, mais c'est quand il y a des freins, hein, quand on bute à des obstacles, qu'on a envie de les surmonter. Donc, voyant que peut-être les modes de participation standard par les élections, etc., n'apportent pas des changements en profondeur, peut-être qu'on va se retourner justement par des solutions plus locales, plus en communauté, autour de coopératives, autour de l'économie sociale. Donc, de réinventer des modes de vie à une échelle un peu plus humaine, un peu plus locale, comme on le voit émerger depuis des années là, avec l'agriculture locale, avec toutes sortes d'initiatives populaires. Donc, c'est encore une fois, c'est pas, on s'entend, une révolution du jour. Il y a peut-être un mouvement de fond là, qui peut nous amener vers des transformations importantes qui sont possibles dans une petite société comme la nôtre. Et merci beaucoup Yannick Marcil, c'était très intéressant et sûrement très éclairant pour nos auditeurs. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler à d'autres moments, parce que vraiment ça jette un éclairage différent et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire au grain de sable, mais c'est ce dont les gens ont besoin aussi. Tout à fait, au plaisir. Merci. Merci. Alors, c'était Yannick Marcil qu'on vient d'entendre. Belle réflexion, n'est-ce pas? Vraiment belle réflexion sur ce qui s'est passé suite aux élections du 4 septembre au Québec. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, chers auditeurs. Et pour ma part, c'est fait. Et je me tourne maintenant vers Michel Monette. Alors, je crois maintenant que vous avez reçu le fameux éditorial de Claude Vaillancourt. Effectivement, Valérie, j'ai reçu l'éditorial de Claude et celui-ci porte sur un projet européen de pacte budgétaire qui nous concerne beaucoup plus qu'on ne le pense. Si vous le voulez bien, nous allons l'écouter. Les Européens sont en voie d'adopter un pacte budgétaire européen. Bon, on peut se demander en quoi ça peut nous concerner. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette chose, le pacte budgétaire européen, qui porte d'ailleurs le nom officiel, tenez-vous bien, de « traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Eh bien, dit comme ça, on peut difficilement être contre. Mais regardons la bête d'un peu plus près. Ce pacte interdit les pays européens de faire des déficits plus élevés que 0,5% de leur PIB, ce qui revient en fait à ne pas faire de déficit du tout. Actuellement, la limite permise est de 3% du PIB et des pays comme la France atteignent régulièrement les 5%. Qu'est-ce qui va arriver aux pays qui vont transgresser la règle? Eh bien, ils devront payer des amendes. On pénalise donc des pays qui font un déficit en leur faisant faire un déficit encore plus gros. Vous me suivez? Ce nouveau pacte budgétaire condamne les pays européens à une austérité perpétuelle, ce qui veut dire des coupes dans les services publics, des baisses de salaires dans la fonction publique, une limitation majeure dans les investissements des États, des privatisations à grande échelle. C'est reproduire donc à l'échelle de l'Europe les fameux plans d'ajustement structurel qui ont fait tant de ravages dans les pays du Sud. Pendant ce temps-là, les marchés financiers s'en mettent plein les poches. Imaginez, la Constitution européenne oblige la Banque centrale européenne à prêter de l'argent aux marchés financiers à des taux très bas. Les marchés financiers, par la suite, prêtent aux États à des taux d'intérêt très élevés. Alors, l'endettement des États grandit et se perpétue. Pendant ce temps-là, la population européenne se fait littéralement avoir. Sans investissement des États, la relance économique est quasiment impossible, ce qui provoquera un appauvrissement généralisé des populations et une baisse marquée du niveau de vie. Il s'agit d'une politique économique suicidaire qui ne profite qu'aux marchés financiers et encore, on peut se demander, pour combien de temps. Mais nous, au Québec, en fait, en quoi ça nous concerne? Eh bien, on peut se rappeler les ravages causés par l'objectif du déficit zéro du gouvernement de Lucien Bouchard pendant les années 90, alors on peut comprendre un peu. Mais surtout, il faut craindre que l'exemple européen devienne la norme. Rappelons-nous les plans d'austérité à peine voilés qu'on retrouvait dans les budgets Bachand et qu'on retrouve encore dans les budgets du Parti conservateur. Les Européens nous ont inspirés dans le passé par la création d'un État social très bénéfique pour les populations. Eh bien, il faut espérer qu'ils ne nous inspireront pas par leur destruction, par la destruction sans pitié de ce même État social. Alors, souhaitons à nos camarades européens bonne chance et bon courage dans cette bataille et affirmons-leur notre solidarité. CKRL 89.1, Québec. Conte de fées. Lorsqu'il écrivait des histoires de jungle, des éléphants, des girafes et des panthères s'entassaient dans sa chambre. L'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs est animée par Olivia Bu. Lorsqu'il écrivait une histoire de peur, des monstres épouvantables apparaissaient dans son placard. Conte de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. Le Ciné-Club Spirafilm au Cégep Limoilou est de retour. Pour sa première soirée de l'année, voyez le long-métrage « Mémoires affectives », gagnant de plusieurs prix, dont le Jutra du meilleur film. Le réalisateur Francis Leclerc sera présent afin de partager son expérience de cinéaste. La séance sera précédée du court-métrage « La liste » de Catherine Breton. Rendez-vous à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou le 24 septembre à 19h. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le Service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, chez Fratelli, le Bal du Lézard et CKRL. Plus de détails, spirafilm.com. Le dimanche de 13h à 14h30, CKRL vous invite à faire un détour par Les Routes Enchantées. Cette émission est une présentation de la librairie La Fée Enchantée. spécialisée en santé au naturel, spiritualité et écologie. Dans une atmosphère calme et sereine, vous y retrouverez livres, thé, pierres, cristaux, encens, tarots, en plus de la musique Nouvel Âge, de méditation et de relaxation. Partagez un moment de détente au 770 rue Saint-Jean et venez découvrir ou redécouvrir la feuille enchantée. 522-1234. Il fera chaud sur les ondes de CKRL à Kekalor. Valérie Blouin vous invite à découvrir la musique antillaise, caribéenne et latino-américaine. Laissez-vous charmer par le zouk, la salsa, le cha-cha, la samba, le merengue, la cumbia et la bachata. Voyagez à Cuba, Porto Rico, Haïti, République dominicaine, Guadeloupe, Trinidad, Mexique, Colombie, Brésil. Kekalor, tous les samedis 14h. Avidjam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeu, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avidjam. Montage de système de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avidjam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. Avidjam. Venez échanger vos films pour adultes. 45 rue Saint Joseph Est, 418-559-0875, avjam.com. Vous êtes toujours au Grain de Sable sur CKRL 89.1. Alors, juste avant les publicités, vous venez d'entendre le tutoriel du président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Alors, c'est assez inquiétant quand même, Michel. Tout à fait, Valérie, mais ça tombe bien l'éditorial de Claude parce qu'on va écouter Dominique Plion tantôt et vraiment, vous allez voir qu'il y a une continuité au fond. Dominique Plion qui était à l'Université d'été des Nouveaux Cahiers du Socialisme. Peut-être juste souligner une petite chose rapidement avant qu'on passe à la suite des choses. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée internationale, journée mondiale d'opposition à la fracturation. Oui, il faut le rappeler. Hein? Oui, qu'est-ce que la fracturation? Oui, exactement. La fracturation, c'est ce qui permet d'aller chercher le gaz dans le shale. Bon, certains appellent ça du schiste, là, du gaz de schiste. Et il y a tellement de produits chimiques qui sont injectés dans la terre que ça peut affecter les nappes phréatiques. C'est excessivement nocif pour l'environnement. Alors, ça se passe à Drummondville et à Montréal. Présentement, j'écoute d'ailleurs, je regardais dans Facebook tantôt, les gens de Drummondville sont contents parce que la salle est comble, la salle de l'Assemblée annuelle est comble. J'en parlerai un peu plus à fond tantôt. Et les médias aussi sont présents, évidemment, avec les annonces de cette semaine. Fallait s'y attendre. Oui, alors, on rappelle la journée mondiale d'opposition à la fracturation. Ça se passe aujourd'hui à Drummondville. Oui. Merci, Michel. Alors, donc, je vous le disais en début d'émission, le président du Conseil scientifique d'Attaque France était au Québec dans le cadre de l'Université d'été des Nouveaux Cahiers du Socialisme à la fin du mois d'août. Alors, vous en avez profité, Michel, pour faire une entrevue que vous allez nous présenter. Alors, on rappelle que monsieur se nomme Dominique Plion. Dominique Plion, oui. Oui, vous comprenez bien qu'on n'allait pas laisser l'occasion d'interviewer monsieur Plion. Il nous a expliqué son rôle au sein d'Attaque France, mais nous avons aussi parlé de la situation en Europe en lien avec une question qui nous préoccupe beaucoup à Attaque Québec, la taxe sur les transactions financières. Alors, on l'écoute. Alors donc, si vous voulez bien, dans un premier temps, pour le bénéfice des auditeurs de CKRL, si vous pouviez nous dire qui vous êtes et quel est votre rôle dans Attaque France. D'accord. Je suis donc Dominique Plion. Je suis un universitaire, professeur d'économie dans une université parisienne, dans le nord de Paris, dans une banlieue nord. Je travaille, je spécialise des questions plutôt bancaires, financières. Bon, j'ai travaillé sur le capitalisme financier, sur la question de la marchandisation et la financiarisation, notamment du savoir, la connaissance. Voilà, et je suis président du Conseil scientifique d'Attaque France depuis maintenant une dizaine d'années. Et voilà, et j'essaie d'animer les débats. Quel est le rôle du Conseil scientifique au sein d'Attaque France? Il est rattaché à un conseil d'administration. Alors, c'est une des originalités d'Attaque France, mais Attaque Allemagne aussi a ça. Il y a plusieurs attaques qui ont un conseil scientifique. C'est d'apporter à la fois de l'expertise sur des sujets précis, à la demande du CA. Par exemple, si on lance une campagne, je ne sais pas, sur les banques, pour critiquer les banques, ils vont nous demander de faire un travail sur les banques. ou si on fait quelque chose sur, par exemple, les politiques agricoles, on va essayer de travailler sur les politiques agricoles. À chaque fois, on fait appel à soit des gens qui sont membres d'ATTAC, membres du conseil scientifique, soit des gens extérieurs avec qui on travaille en réseau. Et on a donc ce travail. On a le deuxième travail qu'on fait, qui est aussi très, très important pour nous et pour ATTAC, je crois, c'est qu'on fait beaucoup de ce qu'on appelle de l'éducation populaire. C'est-à-dire, on va dans des réunions publiques, organisées souvent par les comités locaux d'ATTAC, parce que en France, ATTAC a beaucoup de comités locaux, plusieurs centaines, hein, dans les villes, les petites villes souvent même. Et on est invité pour animer des débats sur les sujets du moment. Par exemple, en ce moment, on va à la rentrée qui va commencer, là, au mois de septembre, on va beaucoup travailler sur le traité européen, le nouveau traité européen qui est très dangereux pour l'avenir de l'Europe tel qu'on la conçoit, hein. Donc on va faire plein de réunions publiques là-dessus, on va organiser des débats, on fait de l'animation, d'agitation. Vous êtes un peu un think tank, mais voilà, oui, on peut double. Dire ça, un think tank, mais on essaye d'être en lien constant avec le mouvement social, c'est-à-dire que on essaye vraiment de travailler avec les syndicats, de travailler avec les partis politiques, de travailler avec certaines ONG, par exemple, les organisations non gouvernementales, par exemple les écologistes, etc., pour vraiment essayer d'être à l'écoute des demandes, des préoccupations, et comprendre quelles sont les analyses aussi des uns et des autres, pour essayer de faire travailler ensemble les gens. On a un peu un rôle d'animation. Merci. Autre question, vous êtes au Québec sur invitation? Oui, si je comprends bien. Par les nouveaux cahiers du socialisme, qui ont été les organisateurs principaux de l'Université populaire qui vient de se tenir à Montréal. Et vous y donniez un atelier, si je comprends bien. Alors, j'y donnais un atelier avec d'ailleurs Claude Vaillancourt sur la taxe sur les transactions financières, faire le point de savoir où on en est en Europe, mais aussi au-delà, hein, au Canada, parce qu'avec Claude et moi, on a parlé donc de nos domaines respectifs, les pays respectifs, et donc on a expliqué quelles étaient les avancées, les projets, les propositions, et comment les choses allaient se passer peut-être dans le futur. Donc on a présenté cela, puis j'ai participé ensuite à une plénière de l'Université populaire sur la question de la dette odieuse. Donc parce que la dette odieuse. Oui, au Québec comme bien d'autres pays, en Europe, en France, en Grèce, n'en parlons pas, notamment dans les pays qui ont des dictatures, on a toute une partie de la dette publique qui s'explique par des dépenses militaires ou des cadeaux faits aux multinationales, des cadeaux faits aux couches de population les plus aisées qui sont à l'origine en partie de la dette, et on veut expliquer que et on explique comment cette dette-là est illégitime. Moi, je préfère employer le mot d'ailleurs de illégitime, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à l'intérêt général, qu'elle est faite pour des intérêts particuliers. Et notre analyse, c'est que cette partie-là de la dette, il n'y a pas de raison qu'on la rembourse comme on devrait l'annuler, alors qu'il y a une partie de la dette qui, elle, des dettes des États, qui est légitime parce qu'elle correspond à des dépenses publiques, des investissements publics, par exemple dans les écoles, pour les construire des hôpitaux. Et là, c'est vraiment des dépenses très utiles qui correspondent à l'intérêt général. Et donc, on essaie de bien montrer qu'il y a deux types de dettes, des dettes légitimes et des dettes illégitimes. Et on essaie d'expliquer aussi que on nous impose des politiques d'austérité pour soi-disant réduire les dépenses publiques et la dette publique qui sont totalement non fondées et illégitimes, puisque justement, elles veulent rembourser une dette qui n'est pas acceptable, qui n'est pas légitime. Donc, oui. ça contribue à notre discours et à notre, pour expliquer à l'opinion publique que les politiques qu'on veut nous imposer ne sont pas acceptables. En fait, c'est paradoxal parce qu'on reproche aux États d'avoir exagéré, donc d'être devenus obèses en quelque sorte, mais en réalité, c'est qu'on les a privés de nourriture, on les a privés de revenus. C'est un peu ça qui explique l'état actuel de la dette beaucoup plus que les dépenses excessives. Voilà, le discours que nous tenons, c'est que quand on regarde en longue période sur les 20 ou 30 dernières années, dans la plupart des États qui aujourd'hui sont endettés, ou assez endettés, comme la France, comme la Grèce, comme l'Espagne, comme l'Italie, etc., ou le Japon, pour aller dans une autre partie du monde, on s'aperçoit que la cause principale de l'endettement des États, la montée régulière de la dette publique, c'est pas trop de dépenses, parce que les dépenses ont progressé d'une manière raisonnable, en général, mais c'est pas assez de recettes fiscales, parce que on a réduit les impôts pour le capital, les impôts sur les multinationales, sur les sociétés, on a réduit les impôts sur les riches, et en organisant, en particulier, c'est très visible en Europe, ce qu'on appelle de la concurrence fiscale, c'est-à-dire qu'on met les États en concurrence les uns avec les autres sur les impôts, et comme ça, les investisseurs, ceux qui vont investir, vont aller vers les pays où les impôts seront les moindres, les moins élevés, et donc ça crée une pression permanente à la baisse des impôts, et donc c'est un manque à gagner, c'est une insuffisance de recettes de la part des États qui est tout à fait importante et qui explique très, très grandement, très largement pourquoi en fait nous avons des déficits publics et donc de la dette publique. Et c'est ça que on veut essayer d'expliquer. Donc notre proposition, notre contre-proposition par rapport au discours officiel des gouvernements, c'est non, c'est pas l'austérité, c'est-à-dire la réduction des dépenses publiques et sociales qui est le vrai remède. Le vrai remède aujourd'hui, c'est plutôt de réformer la fiscalité pour essayer de réintroduire une fiscalité progressive sur les hauts revenus, une fiscalité sur le capital, une fiscalité sur les sociétés. Et si on fait ça, eh bien, on aura des finances publiques équilibrées et on n'aura plus de problème d'endettement public. Oui, et d'ailleurs, dans cette perspective, la taxe sur les transactions financières fait partie des solutions. Vous en parliez dans le rapport Moral sur l'argent dans le monde qui a été publié récemment. Vous disiez, par exemple, à la fin de 2011, les esprits ont considérablement évolué en ce qui concerne la question de la taxation sur les transactions financières. Elle était présentée comme utopique et irréaliste il y a peu. Elle est aujourd'hui reconnue techniquement réalisable et éminemment souhaitable dans le contexte de la globalisation financière. Quelle est la situation en France, en Europe, par rapport à la... On a l'impression que ça avance, mais en même temps, on sent un certain bémol dans les propos d'Attaque France. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Il y a à la fois une avancée au niveau des idées, c'est-à-dire que ce n'est plus un sujet tabou. Il est admis par la plupart des autorités que l'idée d'une taxe sur les transactions financières est une idée raisonnable, qui est tout à fait intéressante. Et c'est pour ça que, par exemple, la Commission européenne, qui a été toujours opposée jusqu'ici, qui avait été opposée à la taxe sur les transactions financières, a proposé l'année dernière un projet de directive européenne sur cette taxe sur les transactions financières. Et c'est aussi le Parlement européen a voté à une très très large majorité, donc avec des gens de gauche et de droite, des élus de gauche mais aussi de droite, de la mise en place d'une taxe sur les transactions financières. Donc on pense qu'il y a, ça c'est le côté positif, mais quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes, il y a des bémols, comme vous disiez. Le premier bémol, c'est qu'il ne taxe pas, par exemple, les devises, les échanges de devises, les monnaies les unes contre les autres. Or, la taxe Tobin, qui est un peu à l'origine de cette taxe sur les transactions financières, c'était précisément d'abord de taxer les opérations de change, c'est-à-dire les échanges de monnaie entre elles, parce que c'est là qu'il y a un lieu de spéculation très important. Et donc là, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Il y a aussi une autre idée qui nous paraît, qu'il faut mettre en avant, et une autre critique que l'on doit faire aux propositions, c'est que, en fait, il y a deux objectifs dans les taxes sur les transactions financières. Pour Attaque, le premier objectif est d'abord la lutte contre la spéculation, comme le proposait d'ailleurs Tobin. Hein. Et puis, le deuxième objectif, c'est évidemment de collecter des ressources, des recettes fiscales. Or, les gouvernements actuels ou la Commission européenne, par exemple, qui proposent cette taxe, la proposent uniquement pour gagner de l'argent, parce qu'en ce moment, il y a une crise des finances publiques, donc ils veulent avoir plus de recettes fiscales, mais ils ne proposent pas de l'utiliser pour lutter contre la spéculation. Et donc, ils proposent notamment des taux de taxation extrêmement faibles, qui sont pas de nature à décourager la spéculation. Donc là, nous, on n'est pas d'accord, et c'est pour ça qu'on met un bémol à la proposition, les critiques, mais on pense que on finira peut-être par faire accepter l'idée que, dans le futur, cette taxe soit aussi utilisée pour lutter contre la spéculation. Alors, en France, si vous posiez la question, qu'est-ce qu'il en est ? En France, justement, on est dans une drôle de situation, parce que nos gouvernements successifs, celui de Sarkozy et maintenant celui de Hollande, qui est un socialiste, se sont dit favorables à la taxe sur les transactions financières, de même que l'Allemagne, de Madame Merkel, que l'Espagne de M. Rajoy, qui sont des conservateurs, ainsi que l'Italie de M. Monti. Donc des grands pays européens aujourd'hui sont, sauf la Grande-Bretagne, sont tous favorables à la taxe sur les transactions financières. Donc il y a quand même une avancée intéressante. Et il est possible que les choses se développent à l'échelle européenne prochainement. Mais quand on regarde de près, M. Hollande, comme M. Sarkozy d'ailleurs, quand ils font voter des textes de loi, là, il y a le mois dernier, M. Hollande a fait voter un texte de loi très très restrictif, c'est-à-dire une taxe sur les transactions uniquement boursières, c'est-à-dire les achats d'un nombre limité de titres en bourse. Hein, je crois qu'il y a 100 les titres de 100 sociétés, 109 exactement, qui sont cotés et pas les autres. Donc, c'est une vision très limitative et on n'est pas du tout satisfait. Mais encore une fois, nous prenons ça d'une manière à la fois critique, mais aussi avec un certain espoir, un certain optimisme. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a eu un premier pas, l'idée de taxation sur les transactions financières est admise, y compris par la plupart des gouvernements importants. Il y a déjà des avancées et donc nous allons continuer. C'est pour ça que nous allons continuer notre campagne pour faire avancer l'idée et surtout pour que la taxe soit vraiment utilisée pour casser la spéculation financière qui est vraiment un des fléaux de la période actuelle, notamment en Europe, quand on voit la spéculation qui s'abat sur les pays comme la Grèce, hein, la dette publique d'un pays comme la Grèce ou en ce moment, ces jours-ci, sur l'Espagne. Donc il faut vraiment mettre en place des instruments comme la taxe sur les transactions financières pour casser la spéculation. Nous disons d'ailleurs que ce serait insuffisant. Même si on mettait une taxe ou des taxes sur les transactions financières plus ambitieuses, ce ne serait pas suffisant vraisemblablement pour casser totalement la spéculation. Donc nous disons qu'il faut aller plus loin. Il faut s'attaquer par exemple aux paradis fiscaux, d'où partent quelquefois les vagues spéculatives. Il faut interdire certains instruments spéculatifs, etc. Il faut s'attaquer aux fonds spéculatifs, les fameux hedge funds. Donc il faut se battre sur plusieurs fronts. Mais encore une fois, la crise... on a l'impression qu'avec la crise, il y a quelques avancées possibles dans ce domaine parce que aujourd'hui, l'opinion publique est profondément choquée par les abus de la finance et les gouvernements sont donc obligés d'y répondre. En terminant, souhaitons que vous citiez Mme Merkel tantôt, souhaitons qu'elle ait soufflé à l'oreille de notre Premier ministre, Stephen Harper, que effectivement, la taxe sur les transactions financières, ce n'est pas le démon, ce n'est pas le diable, et qu'on pourrait ici au Canada aussi aller en ce sens, parce qu'on semble vraiment loin de ce qui se passe en Europe ici. En effet, le Canada, avec la Grande-Bretagne, est le pays sans doute le plus réticent. Et d'ailleurs... votre pays, de ce point de vue-là, freine, mais pas uniquement sur ces questions de lutte contre la spéculation financière, mais aussi, par exemple, dans le domaine écologique. Hein. Monsieur Harper et son gouvernement sont vraiment ont une image tout à fait négative quand ils se refusent, par exemple, de participer aux négociations internationales contre le réchauffement climatique, etc. Donc, c'est vrai que là, vous avez, et on est prêt à être solidaire avec vous, à travailler avec vous, vous avez beaucoup à faire, et il faut espérer que dans les différentes campagnes électorales que vous allez vivre, là, les opposants arrivent à faire passer le message de la nécessité d'une taxe sur les transactions financières, de même de taxes écologiques d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette entrevue, c'était fort apprécié. Je vous souhaite une bonne fin de séjour au Québec et une bonne continuité en Europe. Merci de m'avoir accueilli sur vos ondes. Au revoir. Au revoir. Alors, vous venez d'entendre le président d'Attaque France, Dominique Plion, à leur entrevue qui a été réalisée par Michel Monette, la réalisatrice du Grain de sable, dans le cadre de l'Université d'été des nouveaux cahiers du socialisme à la fin du mois d'août. Très intéressant de voir justement, il explique précisément la situation en Europe par rapport à la taxe sur les transactions financières. Très intéressant de connaître aussi son point de vue par rapport à notre pays. Alors, est-ce que tu avais quelques mots, Michel, à ce sujet? Je voulais juste souligner quelque chose. Vous savez, l'entrevue était réalisée par Skype. C'est formidable, Skype. Alors, c'était dans l'appartement de Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec, oui. Qui était M. Plion. Je voulais juste souligner en passant, une petite anecdote. Et voilà, on aime les anecdotes. Oui. Alors, est-ce qu'on a le temps d'une musique? Oui. Alors, on pourrait aller entendre Arborosi, la révolution. On écoute ça. Quiero Che Guevara y revolución, y que cante mi destino con esta canción. Revolucionario musical es mi inspiración. Soy hijo de la calle, en la calle estoy luchando por el pueblo y para la libertad. El fuego de mi reggae quema toda la ciudad, porque yo soy callejero, donde crece la ganja, yo soy granjero. Comandante Che Guevara, mi revolución starting so in media. I'm in the jungle smoking cigar and sexy media. Marching down to Babylon with me Rasta mi lidia. From Mexico to Costa Rica, pura vida. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Chile, México, reggae es un milagro. Brasil y las favelas y la ciudad de Dios. Los meses de revolución, uno, dos. Visa, sangre, freedom, this is my redemption. Reggae campesino brought to perfection. Cuban cigar and a reggae election. Caribbean militancy, cultural injection. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Alors, vous venez d'entendre La Révolution avec L'Arborosi. Alors, vous écoutez toujours Le Grain de Sable sur les ondes de CKRL. L'émission qui s'en vient, c'est Contes de fées. Alors, restez des nôtres. Contes de fées animé par Olivia Vu et son équipe. Alors, en attendant, Michel, je crois que tu avais d'autres événements dont tu voulais nous partager. Oui. Soit, entre autres, la Journée mondiale contre la fracturation. Oui, tout à fait, Valérie. Autre, justement, la Journée mondiale contre la fracturation. C'est au Parc La Fontaine à Montréal que ça se déroule présentement. C'est là. C'est là, exactement. Mais c'est à partir de 14h, puis il va y avoir... Non, c'est présentement au Parc La Fontaine, pardon. Je suis un petit peu mêlée. Je voulais dire que la journée, c'est aussi journée de manifestation nationale pour la gratuité scolaire à Montréal et à Québec. À Montréal, c'est au Parc La Fontaine à 14h. Il y a une marche qui va suivre. À Québec, c'est devant l'Assemblée nationale, aussi à 14h. Et là aussi, il y a une marche qui va suivre. Je voudrais souligner rapidement, très rapidement, si vous êtes dans le coin du village de Bromont, dans les cantons de l'Est, c'est la foire champêtre de l'environnement et de l'habitation saine organisée par le projet Écosphère. Le titre, c'est « Ensemble, on peut changer le monde ». Alors, ça vaut la peine, si vous êtes dans le coin, aller faire un tour au village de Bromont. C'est un endroit magnifique de toute façon. Mais aussi aller voir cette exposition où il va y avoir des jeux, des conférences, des ateliers, de l'animation pour toute la fin de semaine entièrement consacrée à l'environnement. Il ne faudrait pas oublier aussi de mentionner les journées de la culture, hein, comptées du 28 septembre. La culture, c'est important. Il va y avoir plein d'activités de découverte, d'appréciation des arts de la culture partout à travers le Québec. Profitez-en où que vous soyez. Oui, alors merci Michel. Alors, sur ces dernières activités à faire, alors c'est déjà tout pour nous. Alors, je tiens à remercier Michel Monette pour la réalisation de l'émission. Un grand merci. Également, un grand merci à Claude Vaillancourt, Data Québec, pour l'éditorial. À l'économiste de Montréal, Yannick Marcille, qui nous a accordé une entrevue. Et également, économiste, donc Dominique Plion, qui lui est le président d'Attaque France, siège sur le conseil scientifique. Alors, vous allez pouvoir réécouter ces entrevues sur notre balado-diffusion sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Donc, vous recherchez dans la programmation l'onglet et ensuite, vous allez trouver notre émission Le Grain de Sable. Aussi, si vous êtes membre d'Attaque Québec ou si vous avez envie de découvrir le site d'Attaque Québec,

Conte de fées vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P.